Karen Blixen, L'éternelle histoire. Alors en fait, c'est une nouvelle, hein, c'est un petit livre. Hein, pour tout dire, c'est un livre à 2 euros dans la collection Folio. Donc, c'est un tout petit livre de 100 pages, voilà. Alors cet extrait de Le dîner de Babette. Et c'est un extrait, c'est un recueil de nouvelles, Le dîner de Babette, dont Le dîner de Babette. Et là, c'est très amusant parce que c'est du dîner de Babette qu'est né le film, qui est tiré le film Le festin de Babette. Et sachant qu'elle avait aussi écrit le roman qui est à l'origine de Out of Africa, et que l'héroïne de l'histoire de ce film, c'est elle. Karen Blixen, c'est un peu sa vie, et ça c'est quand même assez fascinant, quoi. Bref, finalement, entre Le festin de Babette et Out of Africa, on peut dire qu'elle a une grosse influence sur le cinéma, là, Karen Blixen, qui est peu... Alors, d'après le peu que je sais, c'est peut-être la plus grande auteure féminine danoise, donc avec un nom comme ça déjà, Karen Blixen. Donc, l'éternelle histoire. Alors, c'est une petite histoire très amusante, en petite touche, hein, c'est pas... ça renverse pas, mais c'est assez beau. C'est une... qu'est-ce que c'est? C'est une histoire d'amour? Pas oui, enfin un peu étrange. Il y a un petit côté Dickens là. On veut montrer ce qui est important dans la vie. Bon, mais c'est beaucoup moins lourd que Dickens. C'est-à-dire qu'elle révèle pas trop sa pensée. C'est une vision subjective, mais la subjectivité d'un personnage. Elie Chama. Oui, faut pas que je me gourre sur ce nom-là, mais. C'est bien ça, Elie Chama. Alors, ça se passe en Chine. Alors, où? Alors, dans un des... à Hong Kong? Je crois que c'est à Hong Kong. À Canton. Canton, d'accord. Donc, ça se passe à Canton. Dans les années 60 du siècle dernier, donc 1860. Pour nous, c'est siècle dernier, quoi, d'avant. C'est sans doute la part de subjectivité inévitable. Alors, les protagonistes principaux sont Monsieur Clay, un riche homme d'affaires, Elie Chama, c'est son comptable dévoué. Et puis ensuite, on va voir arriver Virginie et Paul. Alors, bon, Paul et Virginie, c'est pas un hasard d'ailleurs. Il faudra que je lise, j'en reparlerai plus tard, le roman de Bernardin de Saint-Pierre, je crois, Paul et Virginie, parce que là, il y a quelque chose, il y a un renvoi, alors que c'est pas d'elle, hein, donc c'est assez intéressant quand même. Là, faudra vraiment creuser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais passer sur un détail, sur le fait que Monsieur Clay avait un collègue qui l'a ruiné. Dont la fille va être Virginie. Voilà, bon. Et qui sera à nouveau sur sa route par hasard. Mais elle aurait donc une raison de se venger, ce qu'elle ne va pas vraiment faire d'ailleurs. Bon, mais ça c'est un détail, on passe un peu de temps là-dessus, mais c'est sans... Alors, Monsieur Clay, donc c'est un homme très très riche, le plus riche, l'homme d'affaires le plus riche de Canton, qui possède donc une bonne part de... enfin, des richesses de Canton, donc bon, c'est un homme très riche, quoi. Et un homme vide de ça, c'est-à-dire qu'il a une grande maison, mais il a rien en dehors de ça. Donc là, il n'a pas de famille, pas grand-chose, quoi. Alors, donc du coup, il y a une réflexion là-dessus, par petite touche, qui n'est pas trop moralisatrice. Mais bon, on sent qu'effectivement, il ne peut pas vraiment avoir réussi sa vie, puisqu'il est seul. Voilà. Et il est malade, il a la goutte. Je crois que c'est ça. Et il en souffre tellement qu'il ne parvient plus à dormir. Et la nuit, il s'embête. Donc il demande, ou il ordonne à son comptable, de lui lire des choses. Alors lire, c'est intéressant parce que bon, nous on peut imaginer lire des histoires, mais non, au début, ces deux hommes ne sont pas du tout dans le monde du... dans le monde de la littérature. Du coup, il lui lit des livres de contes, des archives de livres de contes. Surréaliste, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, on voit pas un comptable accepter ça, travailler la nuit pour lire à longueur de nuit ça, peut-être mieux à faire, puis en plus... Même un homme riche, bon, être pouvoir s'occuper de cette façon-là, à entendre des archives de livres de contes, ça tient pas forcément debout. Mais enfin bon, j'avoue qu'en lisant, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais en fait, ça sert un but un peu caché, mais qu'on sent, donc qui est pas terrible. C'est le fait de alors je sais plus de qui ça vient. Je crois que c'est Monsieur Clay qui demande à Elishama de trouver des histoires à lui lire. Alors là, j'essaye de voir si c'est bien ça. Non, je crois que c'est Elishama qui... Non, je crois que c'est bien la demande de Clay, mais... Attendez. Je vérifie. Alors effectivement, je crois que c'est bien Monsieur Clay qui a demandé à son employé, avec qui donc, je l'ai dit, il y a une forme de relation un peu particulière, on va pas dire filiale, mais il y a quelque chose. Mais c'est pas vraiment creusé. Et donc, il lui demande de lui trouver autre chose. Que des romans, que des chiffres, la comptabilité à lire. Et puis l'autre, bizarrement, et c'est là que ça tient pas vraiment debout, ne sait rien, ne sait même pas que ça existe vraiment, des histoires, donc c'est un petit peu surréaliste quand même. Il finit par lui trouver, là il faut que j'en parle un petit peu, enfin Elishama, c'est pas son nom... officiellement, c'est son vrai nom, mais au départ il a un autre nom pour cacher le fait qu'il est juif. Alors c'est un juif polonais. Alors Karen Blixen doit être, je sais pas quand ça a été écrit ça. Oh, je sais même pas quand ça a été écrit. Ce serait important de le savoir. Ouais, c'est ça. Après-guerre, a priori. Après-guerre. Parce que quand même, c'est important. Ça aurait été un peu trop, encore une fois. Parce que on sent qu'elle en parle, alors je crois pas qu'elle soit juive, Karen Blixen, mais elle en parle suite à l'Holocauste. Hein. Y a bien un lien, même si ça se passe avant, du coup on ressort des choses. Enfin, c'est-à-dire que Elishama, sa famille a fui les pogroms polonais, donc les massacres, et donc il s'est retrouvé finalement à Londres, mais sans sa famille. Donc, comme il était intelligent, il a été élevé, dans les livres, etc. Mais bon, bref. Mais les livres pratiques, la comptabilité, la technique, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire d'Elishama. Bon, tout ça pour nous dire qu'en fait, il n'a pas une éducation complète, il n'a pas eu une famille derrière... cohérente, etc. Donc il ignore des choses sur les sentiments, sur l'amour, sur tout ça. Et je crois que c'est un peu ça qu'on veut nous montrer. Ce qui expliquerait effectivement qu'ils ne sont même pas au courant que des romans existent, etc. Mais bon, là où ça devient un petit peu lourd, c'est que forcément, tout à coup ça revient, et quand l'autre lui dit qu'il veut des romans, bah, tout ce qu'il trouve à lui apporter, c'est... l'Ancien Testament avec le prophète Isaïe. Je vais essayer de retrouver. Voilà, on lui lit Isaïe, livre 34, verset 12. Enfin bon, bref. des histoires un peu bidou, bon, bizarre quoi, c'est pas passionnant, et puis donc c'est une prophétie, donc en plus c'est inhabitable. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la steppe, la terre brûlée deviendra un étang et le pays de la soif se changera en source, les repères où gîtaient les chacals deviendront des fourrés de roseaux et de papyrus. Alors, là il y a une discussion intéressante, mais pareil, un peu surréaliste, c'est-à-dire que M. Clay supporte pas, il dit mais comment ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah c'est un prophète, alors Elishama qui connaît pas les romans, bon il a compris quand même, alors il lui explique, c'est une prophétie, ça arrivera plus tard. Ah bon, alors ça a été écrit quand? Ah bah il y a 1000 ans, bon enfin en fait plus que ça, enfin bon. Et donc, ah bon ça a été écrit il y a 1000 ans, mais comment ça se fait d'écrire des choses sur qui n'arriveront pas avant 1000 ans, ça n'a aucun sens. Et puis là, débat philosophique, un peu surréaliste, faut reconnaître. Finalement c'est sacrément amené, parce que c'est vrai qu'à raconter on se dit mais c'est surréaliste de A à Z, hein. Ce qu'il est un peu moins quand on le lit, le roman. Donc en gros Elishama dit que voilà, défend l'intérêt des histoires et Monsieur Clay lui répond que c'est pas possible, une histoire faut que ça arrive, sinon ça n'a aucun intérêt quoi. Et que toute histoire peut se réaliser, sinon, si c'est de la pure fiction, c'est absurde, quoi. Il ne supporte pas l'idée d'une pure fiction. Bon, ça se défend mal, mais enfin, ça se défend. Alors, comment ça se passe? Dans quel ordre? Qui amène ça? Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a une discussion autour d'une histoire, la fameuse éternelle histoire. C'est une histoire que les marins se racontent. Alors je crois que c'est Monsieur Clay qui la raconte à Elishama pour lui dire, cette histoire... Ah non, c'est ça, c'est Elishama qui raconte à Monsieur Clay une histoire. En gros, c'est l'histoire est la suivante. Un homme très riche qui va dans un port le soir... et qui rencontre un... qui cherche et à la recherche d'un jeune marin. Un beau jeune marin, pour que ce marin accepte de faire un fils à sa femme, à sa jeune épouse, que lui, manifestement, ne peut plus honorer comme il faut. Parce qu'il est vieux, hein, on disait. Donc voilà, alors, c'est ça cette histoire. C'est une histoire que les marins se racontent. C'est un peu le loto du marin, quoi. Le marin, un jour, un vieux monsieur vient le voir, lui dit de venir avec lui, lui propose une belle petite somme d'argent, 5 guinées, bon, je me rends pas compte, mais je crois que c'est une bonne somme pour un marin, pour venir chez lui et manger un grand repas, le vieux monsieur lui expliquant ce qu'il attend de lui, et que dans la vie il veut transmettre sa fortune à un descendant, et que pour ça il faut qu'il ait un descendant, et qu'il a une jeune épouse, mais voilà. Et que donc le marin doit lui faire l'amour toute la nuit. voilà, donc ça c'est l'histoire. Et puis là monsieur Clay dit, mais non, je la connais, je l'ai entendue. Et c'est pas une histoire, c'est une réalité. Puis l'autre lui explique, mais non, c'est un truc, une histoire que tous les marins se racontent, depuis longtemps. Alors c'est un peu ce mythe de la fiction, c'est un peu le cœur de la chose intéressante, c'est quel est l'intérêt de se raconter une fiction comme si elle était vraie, comme si elle était vraie, alors qu'on sait qu'elle est fausse. Ça c'est un peu le cœur, je dirais le point intéressant, intelligent du roman. Parce que c'est vrai que là c'est pas quelque chose de simple là, il y a un petit côté un peu... Pourquoi faire ça? Forme de... besoin de rêver, oui, on peut dire, une catharsis, un peu, j'aime bien cette idée-là, moi, de dire, je le vis à travers l'histoire, ça me console un petit peu de pas le vivre en vrai. Donc, voilà. Alors, donc, Monsieur Clay s'insurge en disant, mais non, cette histoire, elle peut arriver. Ça n'est pas destiné à être une pure fiction, puisque moi, je vais la faire advenir, et je serai tout puissant. Si elle arrive, j'aurais eu raison, toute histoire peut arriver, donc on n'est pas dans la fiction gratuite. Bon, c'est un peu une lubie de fou encore, mais enfin bon, à la limite, pourquoi pas. Ça peut se concevoir, ça, un peu mieux qu'un homme très riche et la lubie de vouloir que cette histoire soit vraie au moins une fois, pour qu'on ne puisse plus, pour que les marins ne soient plus heureux à partir de rien, c'est ça en fait. Dire que, bien sûr, les marins se la racontent souvent en disant « c'est arrivé à un tel » ou « ça m'est arrivé ». Si au moins c'était arrivé une fois, quelque part, ça justifierait tous les récits de cette histoire. Donc, il veut faire en sorte que ça arrive. Donc, il charge Elishama de trouver une femme. Ça va être Virginie, la fille de l'homme d'affaires qu'il a ruiné. Bon, en l'occurrence, on s'en moque un peu. Alors, il trouve que c'est Virginie, c'est un peu la maîtresse entretenue d'un collègue d'Elishama. Bon, un homme nul, a priori. Bref. Donc, il va la voir, et puis il doit en renchérir. Il y a une discussion un peu surréaliste aussi, sur l'argent. Bon, elle finit par accepter pour beaucoup d'argent. Elle, pour coucher avec le marin, elle va avoir droit à 300 guinées. Le marin, 5 guinées. Hein. Ça donne un peu l'idée de l'écart. Hein. Mais elle accepte, bon. Il n'y a même pas de discussion entre elle et le vieux monsieur, ça aurait été trop... Je sais pas, bon, on s'embarrasse pas de ça. Et puis ensuite, il descend, monsieur Clay descend avec Elishama dans le port pour aller chercher le marin qui doit avoir une belle allure et un beau jeune homme. Et il trouve effectivement le grand naïf, très fort. En gros, il paraît très jeune, il est très puissant, tout en étant très maigre. Mais il est vachement charpenté et il fait peur. On a toujours l'impression qu'il va user de sa force contre vous, puis à chaque fois non. Et c'est vrai que ça arrive, je crois, 3 fois à peu près dans l'histoire. Chaque fois, il a fait peur à 3 personnes comme ça. Mais Monsieur Clay arrive à le convaincre, donc il vient chez lui. Le petit marin, à un moment, en fait, on comprend qu'il est vierge. Mais c'est pas ce qu'il dit. Forcément, il essaye de se vendre, il a compris l'enjeu. Donc, il triche. Et il dit, mais non, je suis aussi adroit qu'un autre avec les femmes. Voilà. Donc, très bien. Alors, Clay est tout content de lui. Il parle. Sur sa toute-puissance, en fait. Hein. Là, on apprend que le marin, Paul... Il était à deux doigts. Enfin, il a passé un an, je crois, sur une île déserte parce que son bateau avait coulé. Enfin, donc là, on mélange un peu de Robinson Crusoe. On met un peu de tout comme ça dedans. Bref, donc il passe la nuit avec elle. Là, il y a de très belles scènes. Là, par contre, ça, rien que pour ça, ça peut se justifier. Je trouve qu'il y a une sensibilité sur ce qu'on dit, sans que ce soit très précis. Hein. Là, on est quand même. Ça se passe avant, hein. On est dans un monde où on dit pas les choses de façon trop claire. Donc il n'y a pas de bonne scène érotique, hein. Voilà, tout ça pour dire. Mais il y a quand même quelques scènes qui suggèrent. Hein. Ils se réveillent la nuit, puis hop, ils ont déjà fait l'amour, ils dorment, elle est réveillée, elle le regarde, elle le réveille, enfin il se réveille et il la resserre contre elle. Alors ce qui est beau dans leur relation, et c'est pour ça que ça donne envie de lire Paul et Virginie, c'est le côté très fort, très... voilà, c'est à la fois, c'est l'homme, c'est une certaine idée de l'homme parfait. C'est-à-dire qu'il est puissant, puisque voilà, il est jeune, il est fort, il est plutôt beau, je crois. Bon, sans qu'on en... Oui, je pense qu'il a une belle allure. Et il est... mais en même temps, il est candide, il est bon. C'est un peu le bon sauvage, quoi, hein, pour simplifier. Il est candide, un peu naïf. Il est bon. Mais en même temps, il s'embarrasse pas toujours. Voilà, quand il la désire, il la serre contre elle. Et puis là, elle est heureuse de s'abandonner à la force d'un homme. Donc là, il y a un côté sympa. Sympa, parce que effectivement, on n'est pas dans l'égalitarisme homme-femme. Bon, il y a bien une dissymétrie des sexes ici. Bref, donc une belle nuit d'amour qui les rend amoureux l'un de l'autre, quoi, finalement. Et au petit matin, la séparation est très belle. Alors, ils se séparent. Au début, ils voulaient l'emmener avec elle. Elle dit, mais non, vous avez promis à Monsieur Clay. On demande pourquoi elle dit ça, hein, faudrait savoir, parce que... Est-ce qu'elle a peur de... Parce que ce sera un pauvre marin, donc il aura pas grand-chose. Parce que elle sait aussi que même s'il a promis à Monsieur Clay, comme c'est pas vraiment sa femme, elle aurait pu le rejoindre après. Mais lui, le fait de lui rappeler ça, il dit, bon, ok, oui, c'est vrai, on peut pas, donc on peut pas partir ensemble. Donc ils se disent adieu en pleurant tous les deux. Elle a pas 17, lui, il a 17 ans. Elle lui dit qu'il a 17, elle lui dit aussi qu'elle a 17 ans, mais elle est plus vieille. Elle a peur qu'au petit matin, il le voit d'ailleurs, en voyant ses rides. Donc ça, c'était intéressant, il y a un peu ce décalage d'âge, mais enfin bon, on creuse pas trop, mais c'est peut-être ce qui explique aussi qu'elle hésite à partir avec lui. Donc il finit par la quitter, c'est magnifique là, d'ailleurs je crois que je vais lire un passage de ça. Bon là, Elishama débarque, Monsieur Clay est sur son fauteuil dans le salon, il voulait savourer sa grande victoire, parce que pour lui c'est vraiment, c'est ça, on le dit à plusieurs reprises, hein, il le dit d'ailleurs aux deux jeunes gens, il leur dit vous êtes là par ma volonté, vous êtes mes pions, vous êtes mes pantins, allez-y, vous ne faites ce que vous faites que parce que je le veux. Vous êtes mes choses, c'est vraiment ça. Ça, c'est fustigé, quoi. C'est effectivement. Ce qui est bien, hein, tant mieux que ce soit critiqué, mais c'est vrai que ça fait sourire, quoi, un petit peu. Ça fait sourire. Alors donc, Elishama le rejoint au salon, il croit qu'il dort, et en fait, il est mort. C'est pas dit très très clairement. Enfin, on dit qu'il n'a pas pu profiter de la coupe de champagne de la victoire, et qu'il a le teint gris, les yeux légèrement ouverts. Enfin bon, il est mort. Ce que ne réalise pas tout de suite Elishama, d'ailleurs. Bon. Alors, il l'emmène. Ensuite, il va voir les deux jeunes gens. Là encore, il a peur de l'autre, bon, qui sort de la chambre. Puis c'est tout, il y a une discussion. Le jeune homme lui donne un de ses coquillages les plus précieux qu'il possède pour que il le donne à la femme. Bon, un peu de romantisme là. Là, c'est intéressant parce que quand ils se quittent, les deux jeunes gens, j'ai oublié de dire, et c'est là la référence, c'est qu'il dit j'aurai un bateau parce qu'il est des Pays-Bas, je crois, non, ou du Danemark, je sais plus justement quel pays, du Danemark, je crois. Bon, après tout, hein, Karen Blixen. Donc, il lui dit que pour elle, il appellera son bateau Paul et Virginie. Voilà. Donc, c'est là qu'on rejoint le fameux roman. Voilà. Et puis, Elishama se pose des questions sur la vie. C'est comme s'il découvrait que peut-être que la vie ne se résume pas. Qu'il existe l'amour, quoi. Il n'y a pas que le matériel et les chiffres. C'est un peu ce qui est sous-entendu. Donc ça éveille le doute dans son cœur. Ça rappelle à Monsieur Greed dans dans Temps difficile de Dickens. C'est un peu bon, sauf que toute proportion gardée, parce que y a pas de commune mesure. Les Temps difficiles, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas le cas de. C'est une belle petite histoire, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Voilà. Alors, je vais lire deux petits passages. Ah oui, j'ai noté dans la marge, psychanalyse, point d'interrogation. Bon. Monsieur Clay refit une courte pause. Elishama pensait à part soi que jusqu'à présent, son patron n'avait rappelé que des traits, que des faits, depuis longtemps enregistrés dans sa mémoire. Et il se demandait comment ferait le vieillard pour passer du monde réel dans le monde imaginaire. Car M. Clay, qui au cours de sa longue vie n'avait entendu raconter qu'une seule histoire, celle dont on a parlé là, et n'avait jamais raconté d'histoire lui-même, n'avait pas une seule fois usé de feinte ou de dissimulation. Cependant, quand il reprit son récit, le secrétaire comprit qu'il ruminait dans sa tête bien des idées qu'il cherchait à mettre au clair. Au fond de lui-même subsistaient des perceptions, des émotions dont il n'avait jamais parlé à âme qui vive, et il eût été incapable d'en parler à qui que ce soit, si ce n'est à ce garçon, pieds nus, dont il ignorait le nom. Elishama commençait à comprendre la valeur de ce que l'on appelle une comédie, seul moyen peut-être pour un être humain de dire la vérité. Donc c'est là, oui, psychanalyse, effectivement, hein, y a quand même des choses intéressantes là. raconter une histoire, c'est le seul moyen de dire la vérité. Ça, c'est quand même, ça, voilà, ça, c'est, je pense, une chose vraiment passionnante, hein, c'est vrai. Jusqu'à quel point c'est la fiction qui nous libère, qui fait du vrai, alors que vouloir raconter le vrai, il y a forcément tromperie, puisque on raconte pas le vrai. Alors que quand on a perdu le souci de vouloir raconter le vrai, on peut enfin dire. Bref, donc c'est un peu cette idée-là, et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il peut, là, il ne peut dire ça qu'à un inconnu. Ça aussi, c'est pour ça que ça m'a fait penser, je pense, à la psychanalyse, parce que il n'y a pas de lien particulier au départ avec le jeune garçon. Et voilà. Donc là aussi, je trouve ça intéressant. Et puis, c'est un homme qui n'avait jamais eu à raconter d'histoire à qui que ce soit, et donc il lui manquait quelque chose, et il avait des émotions en lui qui devaient sortir. C'est ça aussi. Là, il y a un petit côté. Un peu laisser libérer un tout petit peu son inconscient pour une fois et pas être dans un contrôle, une matérialité de la vie. Enfin, voilà, donc ça, c'est le passage assez beau pour moi. Et puis, page 87, hein, pour tout vous dire. Ah oui, donc là, ça se passe au lit, là, dans cette nuit entre Paul et Virginie. Lorsqu'il finit par s'endormir, il la tenait serrée comme dans un étau. Son visage se pressait contre celui de Virginie, et il respirait paisiblement. Virginie, qui avait pensé à tant de choses en ces derniers temps, ne dormait pas, et ne pensait à rien. Jamais encore elle n'avait rencontré pareille force. Il eût été inutile et vain pour elle d'agir par elle-même. Cette puissance qui l'enveloppait toute lui apparaissait comme une sorte de réalité inconnue jusqu'alors, et auprès de laquelle tout le reste semblait vide et artificiel. Ah, c'est quand même... C'est intéressant, je trouve. Il eût été inutile et vain pour elle d'agir par elle-même. C'est ce qui s'appelle s'abandonner. C'est peut-être ça, le cœur de l'amour, du moins féminin. Pouvoir s'abandonner, pouvoir enfin s'abandonner. Alors ça doit être en cela que les féministes sont attaqués, parce que c'est pas franchement féministe quand même, comme cette puissance qui l'enveloppait toute lui apparaissait comme une sorte de réalité inconnue jusqu'alors et auprès de laquelle tout le reste semblait vide et artificiel, comme si le véritable destin d'une femme était de trouver un homme qui la domine de cette façon là alors qu'il la domine pas dans le sens mauvais, pas dans le sens mais bon, qui lui impose cette force qui remplit l'être féminin, qui la libère de pouvoir, qui la libère de vouloir autre chose que ça. C'est à la fois c'est un romantisme non féministe, hein. Et pourtant Karen Blixen, c'était une sacrée femme, justement. C'est ça qui est intéressant. Ça donne envie quand même de se dire, ouais, est-ce que la vérité est là et qu'elle est complexe finalement? C'est-à-dire qu'effectivement, il faut une grande force, il faut être quelqu'un de très fort pour avoir envie de s'abandonner, pour pouvoir s'abandonner. Est-ce qu'il y a bien une sexualité foncièrement différente? Bref, en tout cas, il y a quelque chose, parce qu'a priori, ce qu'on sait de Karen Blixen, c'est qu'elle a vécu, elle a divorcé de son mari en Afrique. Elle a vécu des années là-bas, elle a eu un sac, enfin, elle a vécu par elle-même, elle est tombée amoureuse, mais c'est comme si c'était une femme qui a été assez forte pour pouvoir tout gérer, mais qui avait envie de pouvoir s'en remettre à un homme, qui avait envie de pouvoir s'abandonner dans, pas sur le plan matériel, mais s'abandonner, se mettre sous la protection, mais encore une fois, pas du tout matériel. Bref. Donc finalement assez fine là, hein, Karen Blixen. Bon, là on est déjà après-guerre, hein, non plus. C'est vrai qu'on n'est pas en 1920, hein, c'est pas choquant, quoi. Voilà. Donc une belle petite histoire. Puis qui fait du lien avec beaucoup de choses finalement, c'est ça. Hein, elle revisite le mythe de Paul et Virginie. Elle affirme la fiction, elle affirme le à quoi sert la fiction finalement. Elle répond à ça. C'est pas rien de dire la fiction est ce qui permet de dire la chose vraie. Si je relis le tout petit passage là quand même. il commençait à comprendre la valeur de ce que l'on appelle une comédie, seul moyen peut-être pour un être humain de dire la vérité. Incapable de parler à qui que ce soit, et si ce n'est à ce garçon pieds nus dont il ignorait le nom. Peut-être le fils, transfert vers le fils. Pourtant, Ishama, il aurait pu jouer ce rôle-là, mais bon. Voilà. Donc, c'était l'éternelle histoire, Karen Blixen. Sans doute faudra-t-il que je lise Le dîner de Babette, au moins, ou l'histoire qui a conduit à Out of Africa, dont je ne connais plus le titre. Parce que le festin de Babette, c'est un sacré film. Et je me demande si le film est génial ou si le livre l'était déjà et que le film n'a plus qu'à surfer sur quelque chose de génial. Ça, ce sera le point à vérifier par curiosité. Voilà.